Chapitre 15e. 29 décembre. Les fêtes de Noël se succèdent sans interruption jusqu'à l'Épiphanie. Et tout le temps de ces fêtes, on se travestit, on prend différents costumes, et ainsi affublé, bariolé et masqué, on se rend des visites. Tout cela se fait sans gaieté, sans la moindre démonstration de joie ou de bonne humeur. On est déguisé, voilà tout, mais on parle très peu. 1er janvier 1840. Les cloches ont annoncé la solennité du jour, et chacun se fait des félicitations, des souhaits et des vœux. Quel triste jour pour moi. Je n'embrasserai pas mes chers enfants. Je ne recevrai pas leurs douces caresses. Le passé est si loin et l'avenir si obscur. Je suis allé à l'église. J'ai demandé à Dieu une espérance, une seule. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre de mes enfants. Et moi aussi, je suis heureuse. Je puis participer au bonheur des autres. Mon cœur est tout réchauffé. Je pourrai vivre puisque mes enfants pensent à moi. 21 janvier. Deux jours avant l'Épiphanie, le délire est au comble. Les Bérézoviens se livrent à des danses fantastiques. L'âge et le sexe n'y font rien. Les cheveux blancs comme les cheveux noirs jettent leurs bonnets par-dessus les moulins. Les grands-mères folâtrent avec intrépidité. Les petites filles, à leur exemple, perdent toute retenue. J'ai vu une femme qui avait au cœur le deuil d'un petit enfant et qui sautait et qui dansait avec une rage effrénée comme si de rien n'était. Deux jours avant l'Épiphanie, on ne doit pas être triste. La gaieté est un devoir. On est fou, insensé et heureux pendant ces deux jours. Le lendemain, quand la ville fut rentrée dans le calme ordinaire, notre bonne hôtesse est arrivée chez moi, armée d'un goupillon et d'un vase plein d'eau bénite. Elle se mit aussitôt à faire des signes de croix et à répandre de l'eau bénite dans toutes les directions. Elle aspergeait, sans oublier le plus petit coin. « Qu'est-ce que cela signifie ?» lui dis-je. « Puisque vous ne comprenez pas nos pieuses coutumes, » me répondit-elle, « je vais vous expliquer la chose. La ville, dans ces derniers jours, a été la proie du diable. » Ces fêtes et danses en nom sont l'œuvre de Satan. Ces jeunes filles modestes qui deviennent effrontées, ces jeunes garçons qui deviennent audacieux, ces vieilles femmes qui n'ont plus l'excuse de la jeunesse pour être folles, ces vieilles femmes qui se font plus laides, plus repoussantes, en grimaçant le plaisir, toutes ces choses hideuses sont soufflées par les démons de l'enfer. Aujourd'hui, il faut en finir avec le pouvoir infernal, et je réponds à l'eau sainte pour terrasser le démon. Il ne reviendra plus. À tout jamais il est chassé par mes aspersions et par mes prières. La nuit suivante, il y eut sur la ville une tempête effroyable. Les volets sortaient des gonds, les toits s'écroulaient, les arbres étaient tordus, déracinés. Je crus, au plus fort de l'ouragan, que la maison allait s'abîmer. Notre hôtesse, toujours pleine de sollicitude, vint dès le matin pour s'informer de nos nouvelles. Nous la remerciâmes et nous lui dîmes que nous avions fini par dormir malgré le vacarme. « Cela ne m'étonne pas. » dit-elle, j'avais pris mes précautions. Mais vous voyez quelle a été la colère du diable. Nous aurions tous péri dans la tempête sans mes aspersions. Le froid ne discontinue pas. Le thermomètre des réaumures marque aujourd'hui 35 degrés. La salive gèle avant d'arriver jusqu'à terre, et la respiration se condense en sortant de la bouche. 26 février. C'est aujourd'hui le premier jour du carême, et selon l'usage établi, on se rend des visites dans le but très respectable de se demander humblement pardon des torts réciproques qu'on a pu avoir dans le courant de l'année les uns envers les autres. Cet usage n'est pas, comme on pourrait le croire, une vaine formule ou quelque chose ressemblant à nos vœux du nouvel an. Non, on agit par un sentiment chrétien plein de sincérité. Et il arrive souvent que des haines envenimées, des rancunes, des inimitiés s'effacent après des paroles de pardon ou des excuses parties du cœur. L'observance du jeûne et du maigre est poussée au dernier point. En carême, il est d'obligation de manger très mal ou de ne pas manger du tout. Le poisson est fort en faveur. Généralement, on le sert cru, et comme il est complètement gelé, on le coupe en petites tranches très minces qu'on avale comme les huîtres et avant qu'il ait eu le temps de dégeler. Quelquefois, on le saupoudre de poivre, mais jamais on emploie le sel. Quand la maîtresse de la maison apporte sur un plateau ses tranches de poisson, les convives se hâtent de les prendre. Et ils vont si vite à cette besogne que la croûte de glace qui entoure les tranches n'a pas le temps de fondre. Le poisson, si apprécié en hiver, n'est pas dédaigné en été, et on le mange encore cru. Il est toujours foule aux abords de la rivière. On attend les pêcheurs, et quand ceux-ci vident leurs filets, les femmes et les hommes s'emparent du poisson et le coupent par tranches quand il est encore vivant. 3 mai 1840. La corneille, la corneille ! Jeune garçon entra précipitamment dans notre salon en poussant ce cri puis il disparut en donnant des signes de joie. Nous descendîmes aussitôt pour demander à notre hôtesse le but de cette singulière visite. « Les corneilles, nous répondit-elle, annoncent l'approche du printemps, et avec le printemps, la joie, le bonheur, l'abondance renaissent. Celui qui aperçoit la première corneille va de maison en maison, et ce messager de l'espérance est toujours le bienvenu. » Il y a 6 semaines que le docteur Vakulinski, élevé à l'université de Vilna, est à Berezov en expiation de son ardent patriotisme. Notre similitude de position était un lien. Nous avons vu souvent cet excellent Polonais, et peu à peu, il s'est sérieusement attaché à ma compagne, Joséphine Ronzewska. Les sympathies qui naissent dans le malheur ont un caractère sacré. Joséphine partage l'affection du jeune exilé, qu'elle demandait sa main, et qu'il obtiendra si c'est le plaisir de l'empereur Nicolas. Car ici, on ne peut pas aimer et se marier sans la volonté souveraine de l'empereur. Ce projet me remplit de joie. Un intérêt bien cher va se glisser dans ma vie, et d'une façon bien inespérée. On salue ici le retour des beaux jours, et nous avons célébré notre anniversaire du 3 mai 1791, anniversaire glorieux et cher à tous les cœurs polonais. La foi en l'avenir, qui soutient la Pologne au milieu des persécutions et du martyre, a tenté une nouvelle régénération politique, mais l'influence étrangère devait étouffer dans ses serres ses généreux efforts. Nota. Rendu à ses foyers et à sa famille après cet exil, Madame Fenińska est morte en 1859. Par un étrange revirement de choses et d'opinions, son fils a été nommé en 1862 archevêque de Varsovie par l'empereur Alexandre II. Ainsi s'achève, de Kiev à Berezov, souvenir d'une exilée en Sibérie par Madame Ève Fenińska.